Chapitre 14. Tout est bien qui finit bien. Pendant 15 jours, Desnou habita Caen. Ses affaires furent promptement réglées. Le clerc acheta l'étude et les billets en furent régulièrement payés. Alors il vint à Paris et loua un petit appartement sur l'avenue de Neuilly. Pendant 3 mois, il vécut tranquille. Quel crétin que les gens de Valsemer! Il avait pu vivre aussi idiotement, toujours épié, toujours forcé de garder son masque sur la face. Sa femme? Était-ce de sa faute si elle avait une maladie de cœur? Était-ce de sa faute si elle avait appris qu'il la trompait? S'il l'avait trompée, était-ce de sa faute? Et s'il l'avait épousée? Non, il avait toujours été poussé par les événements. Et cette pensée avait empêché les remords de se présenter à son esprit. Mais un jour, il s'ennuya. Seul, avec de petites rentes, car l'argent file vite, pouvant à peine se payer quelques distractions, ce n'était pas gai, cette existence monotone. Il reçut un matin un paquet portant le timbre de Valsemer. Il l'ouvrit. C'était le pantalon de Madame Desnou. Son successeur, qui l'avait mis dans un coin lorsque Miguel le lui avait rapporté, venait de le retrouver après 4 mois d'oubli. Il le tenait dans ses mains. Ce linge était le grain de sable qui avait arrêté la marche des rouages de sa vie, si bien réglé. Et toute sa vie lui passa devant les yeux. Un faible parfum se dégageait. N'avait-il pas eu de bons moments, les meilleurs peut-être, pendant cette liaison? Si Jeanne avait fait cette scène au tribunal, c'est qu'elle l'aimait. Et ne l'avait-elle pas ainsi dégagé de liens qui lui pesaient au fond? Oh, ces baisers, mais le petit Laplace! Non, dit-il tout haut, je serais idiot. Il serra le pantalon dans l'armoire et sortit pour faire sa promenade habituelle dans le bois de Boulogne. Avant le déjeuner, il n'y manquait jamais. Dans les allées passaient les cavaliers et les amazones, dont les croupes étaient largement dessinées par le choc sur la selle. Et le bois était plein de primes verts et de pâquerettes. Aux feuilles vertes pendaient des gouttelettes, et de la terre chaude montait une odeur douce. N'était-ce pas celle du pantalon? Il se sentit mal à l'aise et rentra. Alors il ouvrit l'armoire et prit le pantalon pour voir s'il ne s'était pas trompé. Oh, la bonne odeur douce, subtile, celle des flacons qu'elle avait là-bas à Valsemer, la seule peut-être de toutes ces femmes qui se parfuma. Le petit Laplace, ne m'a-t-on pas dit qu'il était au séminaire? Il n'y a plus rien à craindre. Et il écrivit une longue lettre à Madame Jeanne, détenue à la prison de Pont-l'Évêque. Elle y était certainement, encore 2 mois à faire. Il avait été ferme et très carré, lui proposant, dès qu'elle serait sortie de prison, de venir habiter avec lui. Mais à cette condition qu'il ne parlerait jamais du passé. Oui ou non, telle devait être la réponse. Et il lui envoyait 100 francs pour qu'elle pût se payer des douceurs. Il faillit pleurer à la pensée qu'elle était malheureuse. Il reçut une réponse au bout de 8 jours. Jeanne ne pouvait écrire que le vendredi. C'était entendu. Desnou, qui a changé de logement le jour où Jeanne est arrivée, car il tenait à être respecté, habite les Batignolles. On les croit mariés. Ils sont très heureux dans leur ménage, augmenté d'une servante. Desnou, devenu collectionneur de tabatières, passe son temps à en chercher, d'historique surtout. Jeanne ne le quitte pas. Elle l'aime tant, son petit homme. Parfois l'ancien notaire lui dit « Nous ne sortirons pas ce soir. Dis donc, Jeanne, fais-toi belle, pour moi. » Et l'enfourche le pantalon de Madame Desnou.